Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, retour en 1983 pour la première conquête de Nicolas Sarkozy qui, à la surprise générale, remporte à 28 ans le siège de maire de Neuilly au nez et à la barbe de Charles Pasqua. Raconter la conquête de Neuilly par Nicolas Sarkozy, c'est se plonger dans la fin des Trente Glorieuses, en plein cœur de l'histoire de la droite française, divisée depuis la mort du général de Gaulle et de Georges Pompidou. C'est dans ce contexte de bataille rangée entre centristes et gaullistes que le jeune Nicolas, à l'ambition pressée, apprend les codes et les mécaniques d'une élection, d'une section, d'un parti, où les alliés d'hier deviennent des ennemis de demain. En 1983, il termine son apprentissage, trahit un ancien père du parti et remporte Neuilly. Alors, comment a-t-il gagné ce siège? Quelles ont été les étapes de cette conquête? Pour parler de cette victoire, de ses conséquences et de la place de Neuilly dans le parcours politique de Nicolas Sarkozy, nous recevrons en seconde partie Laurent Geoffrin, directeur et journaliste et directeur du journal Libération, notre partenaire. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Emmanuel Fournier, programmation musicale Muriel Perret, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui, Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Nicolas Sarkozy, vous êtes ce qu'il est convenu d'appeler un des espoirs de l'opposition. Si c'était à refaire, de quel événement de votre vie diriez-vous aujourd'hui « jamais plus » ou « je recommencerai bien » ? Il y a un événement qui répond aux deux questions que vous me posez. Je le recommencerai exactement comme je l'ai mené, et en même temps je ne souhaite pas le recommencer. C'est mon accession, lors d'une campagne un peu agitée, à la mairie de Neuilly, le 30 avril 1983. Personne ne m'attendait comme candidat à la mairie de Neuilly. Nombreux étaient ceux qui doutaient de mes chances de pouvoir accéder à cette fonction. J'ai saisi ma chance, je l'ai saisie avec force, avec passion, de tout mon cœur. Et finalement, ça a été les trois semaines les mieux remplies de mon existence. Pendant trois semaines, je n'ai pensé qu'à ça. Devenir maire de Neuilly. En 1992, année où l'archive que vous venez d'entendre a été diffusée, donc 9 ans après sa première victoire à Neuilly, Nicolas Sarkozy est toujours maire et désormais député, mais pas encore ministre. Pour comprendre cette élection de 1983, il faut remonter à ce samedi du mois de mars 1974, lorsqu'il frappe pour la première fois à la porte de la section UDR de Neuilly, au 19 rue Paul Charousse. Voilà à peine 2 ans qu'il est arrivé avec sa mère et ses 2 frères dans cette ville bourgeoise de Neuilly, accolée à la capitale, chasse gardée des personnalités et des grandes fortunes. Avant Neuilly, le jeune Sarkozy n'a connu que Paris, ses 8e et 17e arrondissements, le lycée Chaptal, puis celui de la rue Monceau, pas très loin du parc où il se promenait avec son grand-père. La politique est souvent une affaire de famille. Quand il parle de ses souvenirs de jeunesse, Nicolas Sarkozy aime raconter ses défilés du 11 novembre avec le général de Gaulle, auquel l'amenait son grand-parent. Au sein de sa famille, personne n'est élu, non, personne n'est un ancien de l'ENA ou fils de ministre, d'ambassadeur ou de député. Toute son enfance, Nicolas Sarkozy n'est qu'un spectateur du monde politique. En ce jour de mars 1974, alors qu'il vient de s'inscrire en droit à Nanterre, il pousse la porte du parti dont il se sent le plus proche, l'UDR, le dernier vestige du général. Quelques semaines après sa première visite, le président Georges Pompidou meurt. Ce décès est la première occasion pour le jeune Nicolas de découvrir le monde militant, ses réunions, ses meetings. Le 25 avril, le candidat Jacques Chaban-Delmas tient meeting à Boulogne-Billancourt. Parmi la foule des sympathisants qui en font leur favori, on retrouve un certain Nicolas Sarkozy. Premier meeting, première émotion. Inconnu au milieu de la foule, Nicolas Sarkozy écoute, se tait quand les mots imposent le silence, puis s'exclame quand le candidat exalte ses soutiens. Pendant cette campagne, il devient une petite main du parti politique. Il tracte, colle des affiches et découvre les mauvais coups et les trahisons d'une famille politique. Alors que Jacques Chaban-Delmas était le candidat naturel, d'autres héritiers du général décident en effet de lui barrer la route. Quelques jours après l'annonce de la candidature de l'ancien Premier ministre, 43 personnalités de l'UDR, dont la tête de gondole est Jacques Chirac, appellent à soutenir le candidat centriste, Valéry Giscard d'Estaing, pour prendre la succession de Georges Pompidou. Le coup est rude pour Chaban, mais la campagne se poursuit. Le 2 mai, lors d'un dernier meeting au Palais des Sports, le maire de Bordeaux appelle ses soutiens à défiler à l'Étoile, un barreau d'honneur auquel participe l'étudiant Sarkozy. Trois jours plus tard, n'ayant pas encore l'âge de voter, c'est comme observateur qu'il perd sa première campagne. Alors attention, à vous la Sofres SIA. 5, 4, 3, 2, 1, résultat. Ici la Sofres, François Mitterrand, 44%. Valéry Giscard d'Estaing, 33%. Jacques Chaban-Delmas, 13,60%. Jean Royer, 3,50%. Deux semaines plus tard, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. Pour service rendu, Jacques Chirac obtient Matignon et les coups des Franches pour refonder un parti gaulliste moribond. À Neuilly, alors que l'ensemble de la section était entièrement acquis à Chaban, tout le monde rentre dans le rang et soutient désormais Chirac. Les ennemis d'hier peuvent être les alliés de demain, une règle de base en politique. Sarkozy suit le mouvement. Au 19 rue Paul Charousse, au siège de la section, il devient alors un habitué, un militant modèle. Premier arrivé, dernier parti. Tous les samedis, il assiste à la réunion du secrétaire de section. Le dimanche, il part coller des affiches dans les villes de la banlieue rouge. Le jeune homme apprend vite, très vite, les gammes du parfait militant. Entre les cours à Nanterre et sa présence en section de l'UDR, il travaille à droite à gauche pour gagner un peu d'argent, notamment chez un fleuriste de l'avenue Charles de Gaulle. À Neuilly, ça ne s'invente pas. Un jour de printemps 1975, le siège du parti de l'UDR fait une importante commande que le jeune sympathisant se propose volontiers d'aller déposer. Sarkozy arrive donc, rive gauche, dans le 7e arrondissement, au 123 rue de Lille. Est-ce la première fois qu'il pénètre dans ce bâtiment ? En tout cas, à l'intérieur, on n'a jamais vu un livreur aussi bavard. Entré dans le sein des saints de son parti, il parle, discute, pavoise sur ses états de service au sein de la section de Neuilly. Dans le couloir, un homme le repère et s'entretient avec lui. Il s'appelle Robert Grossmann. Depuis quelques mois, l'ancien fondateur de l'Union des Jeunes pour le Progrès, l'UJP, soutien de Chaban, s'est réconcilié avec Jacques Chirac. Le nouvel homme fort du parti gaulliste l'a même nommé secrétaire général adjoint et le missionne d'une tâche toute particulière, faire revenir les jeunes au sein du parti gaulliste. Alors, quand il tombe sur ce Nicolas, âgé d'à peine 20 ans, il le recrute. Grâce à quelques fleurs, le militant de Neuilly intègre donc la garde rapprochée du responsable des jeunes de l'UDR. Grossmann sera son premier père en politique. Comme à l'accoutumée, Nicolas Sarkozy se rend indispensable, curieux, attentif, plein d'énergie. Il anticipe les besoins et les désirs de Grossmann. Et en mai 1975, quelques semaines après cette rencontre, ce dernier le choisit, avec d'autres, pour participer à une émission sur France 3 intitulée « Les Tribunes Libres ». C'est ainsi que le 21 mai de cette année-là, Nicolas Sarkozy fait sa première télé. Nicolas, tu as 20 ans, tu es étudiant à Nanterre. Pourquoi es-tu à l'UDR ? Oui, mais je suis à l'UDR, j'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je suis à l'UDR. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on m'a dit que je voulais participer à l'effort de construction de la société de demain, parce que j'estimais que nous ayant donné le droit de vote, nous les jeunes, nous n'avions pas le droit de participer à la construction de cette société où nous allons vivre. Et puis à l'UDR, on m'a pas désigné un ennemi tout fait, on ne m'a pas dit la vérité est une, et c'est nous qui l'avons. On m'a simplement dit que pour construire cette société de demain, il fallait l'effort de tous et la participation de tous. Voilà pourquoi je suis UDR. Cheveux longs, chemise, pull vert, regard caméra, le jeune Sarkozy répond, interrompt et donne son avis. Le phrasé est rapide, mais le ton est assuré. Un peu plus d'un an après avoir poussé pour la première fois les portes de la section de l'UDR, il devient ce soir-là l'un de ses visages, l'un des visages de la jeunesse de droite. Bien, mais va-t-il s'en contenter ? Quelques jours plus tard ont lieu les assises départementales de l'UDR des Hauts-de-Seine. Au sein d'un parti, ces réunions sont des petits événements où les jeunes recrues rencontrent les têtes d'affiche et imaginent prendre un jour leur place. Sarkozy veut la sienne. La politique étant un art oratoire, il veut prendre la parole. Alors, il fait jouer une autre amitié qu'il cultive depuis plusieurs semaines, Alina Gruda-Henzel, une jolie rousse de 4 ans son aînée qui n'est autre que la petite main de Charles Pasqua. Député depuis 1969, Pasqua avait remporté en 1973 la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine. Lors de l'épisode de l'appel des 43 contre Chaban, il comptait parmi les conspirateurs de Jacques Chirac. grâce à cet ami bien placé, Nicolas Sarkozy obtient une place sur la liste des intervenants. Le 30 mai 1975, il prend donc la parole devant une instance de l'UDR, nouveau succès. 15 jours plus tard, après les assises départementales, tous les militants sont invités à se retrouver en congrès à Nice et pour 2 jours. Désormais repéré, félicité, on annonce au jeune Neuillien qu'il prendra également la parole lors de ses assises nationales. Et le week-end du 14 et 15 juin 1975, Sarkozy prend le train direction la Côte d'Azur. Durant le trajet, il lit, relit son discours, seul et devant ses copains. Ce 15 juin, avant la prestation tant attendue de Jacques Chirac, les pontes du gaullisme, dont Michel Debré s'exprime. Depuis presque 15 ans, à chaque congrès, l'ancien Premier ministre du Général fait sale comble en commençant à chaque fois par cette fameuse tirade « Amis, compagnons, militants ». La parole est à Michel Debré. Amis, compagnons, militants, pour vous, soldats de cette immense armée. Le discours est long, enflammé. L'aîné parle lentement, laisse les mots quitter la tribune, puis revenir vers lui avec l'écho. La foule ponctue chaque phrase par des applaudissements. Nicolas Sarkozy écoute et attend son tour. À la fin du monologue de Michel Debré, Jacques Chirac se tourne vers lui. « C'est toi Sarkozy ? T'as 2 minutes. » Alors l'impétrant se lève, marche vite pour atteindre le micro et commence son discours par « Être jeune gaulliste, c'est être révolutionnaire. » Logiquement, à la fin des longs discours de Michel Debré, la foule se disperse pour aller se restaurer, mais selon la légende, ce jour-là, beaucoup sont restés pour écouter le nouveau venu. Parmi eux, il y a Achille Peretti, le maire de Neuilly. Ancien résistant, député de la Seine dès 1958, président de l'Assemblée nationale de 1969 à 1973, il dirige sa ville depuis 1947. Lui aussi a été surpris par l'aplomb des jeunes tribuns. Lorsqu'il demande « Qui est-il ?», l'un de ses conseillers lui répond « Il est chez nous. Alors on va le chercher et on le présente au baron de la ville. » Pendant cet échange, Achille Peretti lui promet de penser à lui aux prochaines municipales pour qu'il intègre sa liste. Une promesse qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, évidemment, et que Nicolas Sarkozy rappellera le moment venu. En attendant, le jeune militant poursuit sa route, et ses routes, celles qui l'amènent à la fac, à la section UDR et auprès de Roger Grossmann. Avec lui, il organise à la fin de l'année 1975 le rassemblement des jeunes du parti au Bourget, où il se charge notamment de la séquence spectacle. Grossmann répond au journaliste, Sarkozy fait l'intendance en coulisses. Un an plus tard, le 4 décembre 1976, lors de la création du RPR, il joue de nouveau le jeune chiracien de service devant les caméras. Ce qui m'a séduit dans le rassemblement et dans l'appel lancé par Jacques Chirac, c'est les buts qu'il s'est fixés. Il nous a dit qu'il voulait construire une société plus juste, une société plus moderne, une société plus forte. Et bien ça, c'est un langage que nous comprenons. Et nous voulons démontrer dimanche qu'on peut avoir 20 ans, être généreux, mais en même temps être responsable. Le jeune homme pressé franchit chaque étape de la carrière de militant. Les mois passent, les échéances se rapprochent. En 1977, à Neuilly, comme dans toute la France, ce sont les élections municipales que chaque parti prépare. Malgré ses responsabilités auprès du secrétaire national Grossmann, Nicolas Sarkozy n'a pas abandonné la section de sa ville. Sera-t-il d'ailleurs sur la liste municipale comme le lui avait promis le maire 2 ans plus tôt? Le jeune homme imagine alors un coup. Avec un nouvel ami, déjà premier soutien, un certain Brice Hortefeux, il rameute tous les jeunes de la ville à une soirée de la section. Une personnalité de premier rang sera présente, mais on ne peut pas vous en dire plus, déclare-t-il. Tout le monde est intrigué, le bouche à oreille fonctionne. Le grand soir, la section est pleine de jeunes militants, espérant voir peut-être Jacques Chirac. Pas de chance, il ne s'agit que du maire de Neuilly. Peu importe, le militant de droite est poli, l'accueil est donc enthousiaste. Le maire est impressionné. Sarkozy gagne sa place sur la liste du candidat Peretti. Voilà, c'est fait. Et c'est ainsi qu'à 22 ans, il devient conseiller municipal, le plus jeune évidemment de la mairie. Cette même année, il en apprend un peu plus sur la mécanique des élections, la dynamique des groupes et l'importance de ne pas nager à contre-courant des humeurs des militants. Après les municipales, Neuilly retourne aux urnes pour élire son député. Cette fois, car Peretti était nommé quelques mois plus tôt au Conseil constitutionnel, il ne peut plus siéger à l'Assemblée. À la fin de l'année, une nouvelle élection à sa succession s'ouvre. Robert Hersant, le puissant chef de presse, patron notamment des Figaro, est parachuté à Neuilly. L'ancienne suppléante d'Achille Peretti, Florence Darcourt, refuse de céder la place. La droite se fracture. Hersant rate sa campagne. Et le jour de l'élection, c'est la Neuillienne, Florence Darcourt, qui l'emporte. Sarkozy prend note. Pendant ce premier mandat, le jeune conseiller municipal accompagne souvent la première adjointe en charge de l'éducation, Edith Gorce-Franklin. Tel un assistant, il est là lors de ses déplacements, rencontre les parents d'élèves, les instituteurs, les directeurs d'école. Un an plus tard, il devient même conseiller délégué à l'éducation. Se rendre indispensable, voilà la clé de la réussite. En même temps, il effectue son service militaire, obtient son diplôme, traite ses premières affaires au sein d'un cabinet d'avocats et se marie avec une jeune femme originaire de Corse. Sur le banc des témoins de ce mariage, on trouve un autre Corse, Charles Pasqua. En à peine 6 ans, l'inconnu qui poussa la porte de la section du parti gaulliste a trouvé une place au conseil municipal de Neuilly, mais aussi au sein de la famille du RPR. Pendant la campagne présidentielle de 1981, qui voit s'opposer à droite au premier tour le président sortant Valéry Giscard d'Estaing et son ancien premier ministre Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy est désormais un habitué des tribunes. À 26 ans, il a trouvé son ton, son énergie, son rythme. Peu importe que nous soyons ou non dans la majorité, qu'on nous y accepte ou qu'on nous y refuse, cette majorité ne nous intéresse pas. Elle appartient au passé. Elle appartient au passé, comme lui appartient d'ailleurs ce gouvernement en couleur de muraille, qu'à la prétention de s'identifier à l'an 2000. Quelle prétention, mon Dieu! Ce qui nous intéresse, c'est d'aider Jacques Chirac à assumer pleinement le destin qui est le sien et qui est grand, tellement grand. Quelques mois plus tard, Chirac rate la marche qui mène au second tour. En 1983, Achille Peretti est réélu pour la 6e fois maire de Neuilly. Nicolas Sarkozy est de nouveau conseiller municipal, tout comme le sénateur Charles Pasqua qui vient de s'installer dans la ville. Mais quelques semaines après cette victoire, le vieux maire s'éteint. Alors, qui prendra sa place ? Yeah. Vous l'avez sans doute appris, dans la journée, Achille Peretti vient de mourir à Paris d'une crise cardiaque à l'âge de 71 ans. Maire de Neuilly-sur-Seine depuis 35 ans, l'ancien président de l'Assemblée nationale était aussi membre du Conseil constitutionnel. Beaucoup se souviennent enfin qu'Achille Peretti créa puis anima le réseau de résistance Ajax sous l'occupation. Monsieur Peretti, maintenant étant mort, j'espère que le Conseil municipal de Neuilly fera tout pour, j'espère, qu'il n'y ait pas d'extrémisme à l'intérieur et à la tête de Neuilly. En tant que jeune, je trouve qu'il n'a pas fait grand-chose pour nous. En France, décès d'une importante figure de la vie politique française, M. Achille Peretti. Il était maire de Neuilly-sur-Seine depuis 35 ans. Si la campagne électorale a mis en avant le duel qu'il opposait à Florence Darcourt, le député des Hauts-de-Seine, elle a également permis à Achille Peretti de faire venir sur sa liste Charles Pasqua, sénateur et secrétaire fédéral du RPR. Ce dernier reprendra-t-il le flambeau de son ami? Le clan Corse, pour l'instant, est en deuil. Quand le jeudi 14 avril 1983, Achille Peretti meurt, l'une des premières personnes à être prévenue est le nouveau maire de Levallois-Perret, un certain Patrick Balkany. Il appelle alors deux hommes, Charles Pasqua, son patron et mentor, et Nicolas Sarkozy, son ami. Problème, quand il joint le domicile du sénateur, Madame Pasqua lui apprend que Charles est à l'hôpital où il doit subir une opération. Impossible, selon Balkany, il faut le faire sortir de là. Il monte alors dans sa voiture et passe chercher Nicolas. Après avoir présenté leurs condoléances à la famille Peretti, ils foncent vers la clinique où se trouve Charles Pasqua. Les deux jeunes gens montent, réveillent le sénateur et lui apprennent la nouvelle. Le maire est mort, vive le maire! Il faut au plus vite boucler sa succession. En cas de décès du premier magistrat de la ville, rappelons que ce ne sont pas les citoyens qui votent, mais seulement les conseillers municipaux. Et le candidat naturel s'appelle Charles Pasqua. Le sénateur s'est installé à Neuilly quelques mois plus tôt. Naturellement, il a obtenu une bonne place sur la liste de M. Peretti. Pourquoi? Eh bien parce qu'il souhaite un mandat local et Neuilly a tous les avantages, une ville de droite, un maire vieillissant. Oui, sauf que personne n'imaginait que la question de la succession se poserait aussi vite. Face à l'événement, le sénateur se rhabille et quitte les lieux à l'aide des deux jeunes hommes. Le soir même, une première réunion pour préparer l'élection municipale a lieu chez lui. A-t-il ses chances? Oui et non, car le RPR ne dispose pas de la majorité absolue. De plus, son passé sulfureux au sein du SAC et ses années chez Pernod Ricard ne sont pas vraiment du goût des administrés de la ville. Qu'importe, la fidélité au parti et les négociations avec les partenaires centristes devraient permettre de sécuriser l'élection. Pour convaincre les conseillers municipaux de voter pour lui, Charles Pasqua missionne Nicolas Sarkozy. Il est du coin, BCBG, conseiller municipal, beau parleur, il est l'homme idéal. De plus, il y a quelques mois, il l'a fait entrer au conseil régional d'Île-de-France. Il lui doit bien ça. Sarkozy accepte. Mais quand décide-t-il de jouer sa propre partition? En tout cas, dès le lendemain, il tâte le terrain auprès de ses amis et des personnalités politiques de la ville, dont Edith Gorce-Franklin, qui lui annonce ne pas se porter candidate. La voie est donc libre. Pour l'instant, il ne se dévoile pas, mais rencontre, observe les réactions à l'annonce du nom de Pasqua, puis attend qu'on énumère d'autres prétendants possibles, dont le sien. Dans cette bataille de dupes, un homme joue un rôle crucial. Il s'appelle Philippe Grange. Neuillien pure souche, conseiller municipal depuis 1971 auprès de Peretti, il est un homme respecté qui a l'oreille des gens de la ville. Après les obsèques d'Achille Peretti, Charles Pasqua se lance lui aussi en campagne et reçoit chez lui, tel un baron, l'ensemble des conseillers municipaux. Le 21 avril 1983, les élus RPR se retrouvent pour désigner leur tête de liste. Nicolas Sarkozy arrive avec son petit cartable. Pasqua l'interpelle. Alors Nicolas, on va les opérer? Le jeune homme bredouille puis déclare. Monsieur, il y a un petit problème, les gens disent que vous n'êtes pas d'ici. Étrange. Bien, tout le monde s'installe, la discussion débute. Pasqua est pris au piège. La conseillère Edith Gorce-Franklin, que Nicolas suivait quand il était tout jeune, membre de l'équipe municipale, est la première à prendre la parole. D'un ton ferme, elle annonce refuser que Charles Pasqua porte la candidature RPR et propose le nom de Sarkozy. Le vote a lieu. Le conseiller municipal a battu le président du groupe RPR au Sénat. Première victoire. Première trahison aussi. À la sortie de la réunion, Charles Pasqua, furieux, appelle Jacques Chirac. Le président du RPR écoute son vieil ami et lui promet de faire quelque chose. Chirac charge alors Bernard Pons, le secrétaire général du RPR, de convoquer le jeune loup Sarkozy. La réunion a lieu rue de Lille, la même où quelques années plus tôt, Sarkozy était entré avec des fleurs, souvenez-vous. La suite, c'est Bernard Pons lui-même qui la raconte au sein du documentaire « Un jour un destin » de Dominique Fargue, d'Erwan Leleoué et Laurent Delahousse, produit par Magnéto Press. J'ai reçu un coup de téléphone de Jacques Chirac qui m'a dit « Écoute Bernard, nous avons un problème à Neuilly. Charles veut prendre la succession d'Achille Peretti, mais il est gêné par un petit jeune, là, je sais pas si tu le connais, c'est Sarkozy. Bon, il faut que tu le convoques et que tu règles cette affaire. » Tout de suite, Nicolas m'a fait la démonstration, mais d'une manière absolument éblouissante, qu'il n'y avait pas de problème. Le problème ne se posait pas, il était réglé. Lui, Nicolas, serait élu maire de Neuilly. Et quand il est sorti, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Jacques Chirac, et je lui ai dit, écoute Jacques, tu peux appeler Charles, il ne sera pas maire de Neuilly, c'est Nicolas qui sera maire de Neuilly, et personne ne peut le contrecarrer. Après sa rencontre avec Bernard Pons, le secrétaire général du parti, Nicolas Sarkozy, rencontre Jacques Chirac. Ce dernier l'écoute, comprend qu'il est la seule solution, finalement, pour garder la mairie au sein du RPR. Chirac abandonne alors son ami Pasqua et laisse le jeune Sarkozy faire ses preuves. Par chance, le coup d'état du jeune conseiller ne s'ébruite pas dans la presse. Et face au non-soutien du RPR, Charles Pasqua feint de maîtriser la situation. Il annonce qu'il ne souhaite pas se présenter et intronise Sarkozy comme poulain. La politique est une affaire d'apparence et de mots. Il faut savoir jouer avec les éléments, reculer en cas d'attaque et parfois trouver une porte de sortie honorable pour éviter la déconvenue publique. Bon, cela dit, à Neuilly, rien n'est joué. Officiellement candidat, Nicolas Sarkozy poursuit sa campagne, passe des heures avec chaque conseiller et négocie parfois pendant une éternité pour obtenir un soutien. Un par un, je les ai visités. Je m'en souviens, l'un, paix à son âme, le pauvre est décédé depuis. J'ai passé 4 heures durant à le convaincre. C'était le doyen du conseil municipal. Et je lui ai expliqué avec force d'argument, c'était un dimanche après-midi, qu'on ferait, lui et moi, un tandem extraordinaire. Et finalement, si je l'ai emporté, c'est parce que sa femme avait préparé le dîner et qu'elle voulait absolument me mettre dehors. Je ne suis parti quand j'avais la promesse de son soutien. Dans la ville, les habitants doutent, s'interrogent. Qui sera le prochain maire ? Le candidat centriste ou le jeune Sarkozy ? Le 29 avril, le conseil municipal est convoqué. La salle est pleine à craquer. Alors que le vote va commencer, l'un des conseillers municipaux prend la parole et annonce « Il y a d'un côté un conseiller qui a du métier, une carrière professionnelle, et de l'autre un gamin en culotte courte qui ferait mieux de finir ses classes. » Ça tombe bien, Nicolas Sarkozy pense avoir fini ses classes politiques. Il attend son sacre et le vote a lieu. Ah, faux départ, un conseiller a voté 2 fois. La tension est palpable. Alors on recommence. Cette fois le compte est bon. Et le dépouillement commence. Pour l'emporter, Nicolas Sarkozy doit rassembler au moins 25 votes qui lui donneraient la majorité absolue. Les premiers bulletins sont pour le candidat centriste. Puis on entend Sarkozy, Sarkozy. Et il récupère son avance. À partir du 20e bulletin, le public compte d'abord en murmurant, puis à haute voix, et au 25e vote... Voilà, c'est fait. À 28 ans, Nicolas Sarkozy devient maire de Neuilly, succède à Achille Peretti à la tête d'une ville de 70 000 habitants, de 600 employés municipaux et d'un budget de 25 milliards de centimes. Première victoire, premier coup politique. L'amitié existe-t-elle ? En politique. En 1992, Nicolas Sarkozy, devenu député et réélu maire, revient sur cette victoire contre Charles Pasqua dans l'émission intitulée « Et si c'était à refaire » sur France Inter. Alors, après, ça s'est passé comment avec Charles Pasqua ? Oh ben après, vous savez, Charles Pasqua est un homme qui connaît les rapports de force, qui connaît la politique également, et qui n'est pas un homme à faire la gueule, en quelque sorte. Mais il s'incline facilement ? Non, Charles Pasqua est quelqu'un qui sait lutter, qui sait combattre, pour qui j'ai à la fois beaucoup de respect et de l'affection, qui a montré dans sa carrière politique qu'il savait digérer un certain nombre d'accidents. Comme il m'a dit à l'époque, on ne fait pas carrière à l'envers. Il a choisi une carrière nationale, il a bien fait. On a l'impression que vous l'enterrez un peu. Non, je ne l'enterre pas du tout. Moi, vous savez, on ne peut pas avoir des fidélités multiples dans la vie. Parce que si on a des fidélités multiples, on ne les honore pas. Moi, j'ai choisi d'honorer un petit nombre de fidélités parce que j'y crois. Jacques Chirac, pour moi, j'ai une ambition très simple. C'est celle qu'il soit un prochain président de la République française. Et je ferai tout pour qu'il en soit ainsi. Je crois finalement qu'une des valeurs modernes de la vie politique, c'est la fidélité. Contrairement à ce qu'on croit, si j'avais un conseil à donner à tous les jeunes qui voudraient s'engager dans la vie politique, d'abord, il faut qu'ils le fassent. Il y a deux manières de vivre. On vit en spectateur, on vit en acteur. Faire de la politique, c'est vivre en acteur. Mais quand on a la chance de faire le métier qui est le mien, eh bien je crois qu'il faut savoir accrocher son wagon à quelqu'un qui en reste fidèle. La fidélité, c'est très important dans la vie politique. Je crois que c'est ça qui compte, au-delà de tout. La preuve. Deux ans plus tard, Nicolas Sarkozy apporte son soutien à son Premier ministre Édouard Balladur, trahissant tranquillement Jacques Chirac. Cela dit, Balladur ne passera pas le premier tour. Sarkozy retournera dans sa mairie à Neuilly. Quelques années plus tard, Chirac lui pardonnera ou fera semblant, le nommant ministre de l'Intérieur. En 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la prise de Neuilly par Nicolas Sarkozy en 1983, autrement dit l'enfance d'un chef. Et nous allons en parler avec vous, Laurent Geoffrin, notre invité. Bonjour. Bonjour. Directeur de journal Libération, qui est notre partenaire une fois tous les 15 jours. C'est donc aujourd'hui. Alors, j'ai, vous l'avez entendu, employé une fois, peut-être même deux, le mot trahison dans le récit, ou pourquoi pas. Est-ce vraiment une trahison, d'ailleurs? Est-ce que Sarkozy n'a pas été avant tout un très très grand opportuniste? Ce qui peut flirter avec la trahison, mais pas être complètement dedans. Mais si on écoute bien le récit que vous avez fait, on a l'impression que Pasqua n'était pas assuré à 100% d'être désigné. Non, il avait de sérieuses chances, mais pas à 100%. C'est souvent clair. Le cas quand il y a des parachutages comme ça. Enfin, c'était un relatif... Semi-parachutage. Parachutage, parce qu'il était des Hauts-de-Seine, mais quand même, les gens de Neuilly avaient montré un peu avant, vous l'avez dit, ça, c'est que Robert Arsan, qui était le tout puissant patron de la presse de droite en France, en principe irrésistible, avait été battu par une dame, tout à fait honorable d'ailleurs, mais qu'on connaissait peu, une dame d'Harcourt. Oui. Et je me souviens très bien de cette histoire, parce que dans l'opinion, les gens avaient bien pris parti pour Florence d'Harcourt, à la fois pour embêter le sortant, quoi, et le mania de la presse, et puis aussi parce qu'elle paraissait tout à fait bien, et droite, etc., même si elle était de droite, mais enfin de droite. Mmh. Et donc les gens de Neuilly avaient montré qu'ils tenaient beaucoup à au localisme, si vous voulez, comme dans beaucoup de villes. Hein, les gens n'aiment pas trop qu'on vienne s'arroger comme ça des postes, alors que ce sont eux qui votent. Et donc, manifestement, Pasqua n'était pas tout à fait sûr de l'emporter. Le RPR n'était pas entièrement majoritaire. Enfin, c'est des petites histoires, hein, mais comme protagoniste est devenu président de la République, on en parle quand même. Bien sûr. Et donc les centristes étaient en embuscade. Ils auraient peut-être pu prendre la mairie de Neuilly, ce qui, du point de vue du RPR, était très embêtant parce qu'ils étaient en pleine bataille avec. D'ailleurs, c'était le raisonnement de Chirac. Hein. C'était le raisonnement de Chirac. Il dit bon, on n'insiste pas. Voilà. Au moins, la mairie, elle reste dans notre camp. Bien sûr, mon cher. Bon. Alors, trahison ou pas? Parce que justement, il y a demi-trahison. Je pense. Demi. D'accord. La logique, si on écoute Sarkozy dans le dernier enregistrement que vous avez diffusé, il dit « ce qui compte en politique, c'est la fidélité ». C'est formidable. Fidèle, etc. Ça fait un peu sourire maintenant. Et s'il avait été vraiment ce qu'il disait ensuite qu'il fallait être, il aurait dit à Pasqua « bon, je vais tout faire pour te faire élire, pour vous faire élire, je ne sais pas si tu veux. Et on va voir, on va déployer toute notre énergie, on va y arriver, même s'il y a des oppositions. » Bon, il n'a pas fait ça du tout. Alors, est-ce qu'il a manœuvré en coulisses pour faire changer les gens d'avis et pour se les rallier? Mais on voit toutes les qualités, tous les défauts du Sarkozy futur. C'est pour ça que c'est intéressant. Une énergie incroyable. Ouais. Hein, comme militant, comme dans les relations humaines, il passe 4 heures avec un obscur conseiller pour le faire changer d'avis, etc. Il s'incruste, il met le pied dans la porte, ensuite il sort pas, il attend le dîner, etc. Bon, il y a un côté comme ça, représentant de commerce insistant. Quoi. C'est le type qui se décourage devant rien, on le met dehors par la porte, il rentre par la fenêtre, et si ça va pas, il retéléphone derrière. Ça, bon, c'est Sarkozy, ça. Il est inépuisable, infatigable. Alors, est-ce qu'on sait quels étaient ses rapports avec Pasqua avant? Est-ce qu'on sait quels ont été les rapports de Sarkozy avec Pasqua après? Alors, je ne parle pas des années après, où ils ont travaillé ensemble au sein du gouvernement, mais les années qui ont suivi... Mais Pasqua, il a fait contre mauvaise fortune bon cœur, manifestement, parce que j'ai lu une interview qu'il a donnée bien après, on l'entend d'ailleurs dans le début de l'émission. Il a dit « oui, mais je n'étais pas vraiment candidat, finalement ça m'intéressait moyennement, etc. » Il y a un côté « ils sont trop verts, vous savez, comme Renard et les... » Enfin, ils sont de la face, quoi. Renard et les raisins, quoi. Hein? Finalement, ouais, j'arrive pas à les attraper, donc ce sont des raisins verts. Et c'est un peu ça, le maire de Neuilly, ça m'intéressait pas vraiment. Ce qui m'intéressait, c'était des choses beaucoup plus larges. Sauf que Neuilly, c'était un fief formidable, parce que alors, une fois que vous y êtes, personne ne peut vous déloger. C'est un poste à vie. Ouais. Et puis, c'est une grande ville, quand même. Il y a un budget très important. Et puis, c'est un endroit où on se tisse des relations plus facilement qu'à Carpentras. Vous voyez, parce que là, vous avez tout le gotha du capitalisme français qui habite là, peu ou prou. Quoi, non, plus le showbiz, plus plein de gens très importants, etc. Donc, et Sarkozy a joué beaucoup de ça, parce qu'après, il a... dans son emploi du temps, quand on regarde son emploi du temps comme maire de Neuilly, il travaillait, de 6h du matin à minuit. Tous les jours, il allait dîner chez un administré. Alors, c'était pas chez la concierge en général, c'était plutôt chez celui qui habitait au quatrième étage. Et d'ailleurs, cette ville-là est au cœur d'un département qui s'appelle les Hauts-de-Seine, où on a vu Pasqua, Brice Hortefeux, le maire de Levallois, Pierre-Patrick Balkany, son nom m'échappait, Sarkozy. Ça, c'est une composante du parti néo-gaulliste, on va dire la cellule de Neuilly. Ça, c'est quelque chose qui existe. Les Hauts-de-Seine, c'est le département le plus riche de France. Oui, je sais. Oui. Donc là, vous avez un budget colossal, donc des moyens d'action très importants, à la fois pour faire des choses pour le département, mais évidemment pour faire aussi de la communication, pour placer des amis, enfin, bon, c'est la vie politique, ça. Et donc c'était très convoité à droite, parce que c'était un département qui vote plutôt à droite, en général. Et donc, quand vous faites carrière dans les partis de droite, vous vous dites, tiens, si j'ai une place quelque part dans les Hauts-de-Seine, c'est un fromage, je suis tranquille. Et donc, il y avait une bataille très, très féroce autour des Hauts-de-Seine, et ceux qui étaient là gagnaient un avantage dans la compétition interne du parti gaulliste, par définition. Donc il y a tout cet aspect qui est derrière. Mais au-delà de ça, parce que c'est une question qu'on ne pose jamais, est-ce qu'il a été un bon maire de 1900, Nicolas Sarkozy, à Neuilly, de 1983, je le rappelle, jusqu'à 2002? Il a été réélu, en tout cas. Mais alors, évidemment, comme je disais, la gauche a peu de chance à Neuilly, quand même. Oui. Le jour où la gauche sera élue à Neuilly, ça veut dire que tout a été changé en France. Déjà, beaucoup de choses ont changé. Mais oui, je crois que c'était un bon maire, parce qu'il s'occupait des gens. Et je sais qu'il a mené une bataille homérique contre les déjections canines, donc c'est une grande, grande affaire. Hein. Et il a fait beaucoup de choses. Et tout en faisant attention à ne pas augmenter les impôts, ce qui lui permettait d'avoir des bonnes relations avec ses administrés les plus fortunés, parce que comme ça, ils payaient pas trop d'impôts, ça leur plaisait. Et en même temps, comme ils étaient très riches, le petit pourcentage qu'ils payaient faisait beaucoup d'argent, donc ça permettait de faire des choses. Non, je crois qu'il était un bon maire, oui, il n'y a pas de doute. Alors, en même temps, c'est pas parce qu'on est maire de Neuilly qu'on est promis à une haute destinée nationale. Il faut avoir une personnalité et puis peut-être un coup de pouce. Et j'en arrive à l'année 93, 10 ans après la conquête de Neuilly. Un événement inattendu va mettre Sarkozy sur le devant de la scène, c'est la prise d'otage, le fameux Human Bond. Macron, hein, dans une école maternelle de la ville. Pasqua est ministre de l'Intérieur. C'est une histoire qu'on avait racontée, hein, dans Affaires Sensibles. Donc, Pasqua est ministre de l'Intérieur à l'époque et Sarkozy ministre du Budget. Alors, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, hein, Nicolas Sarkozy est allé dans l'école, il a pris un gamin, on l'a beaucoup vu. Il n'a pas fait que ça, hein. Non, il n'a pas fait que ça. C'est-à-dire. Il a proposé de remplacer les otages. Oui. Bon, voilà. Donc, il avait. Oui, mais c'est. Mais non, je sais bien. On a toujours du mal des hommes politiques, hein. Mais, oui, c'est pas rien. Bien sûr que c'est pas rien. Ceux qui se gaussent fassent la même chose. Quoi. Et si jamais l'autre avait dit oui, peut-être qu'il aurait été tué. Hein. C'était acquis tout double. Hein. Bon, écoutez, on va écouter la déclaration de Nicolas Sarkozy à la fin de la prise d'otage et on reparlera de cet épisode et de ce qu'il a pesé, ou pas d'ailleurs, sur la suite des événements. Sentiment, c'est que la vie est belle. C'est depuis 48 heures le seul moment où j'ai pas eu ce poids épouvantable. Ce sentiment, c'est le visage de ces 21 gosses qui sont tous sortis en pleine forme. Mmh. C'est ça, je suis heureux, voilà. Les 6 derniers, comment ça s'est passé? Ça a été les plus durs. Ça a été les plus durs parce que il s'est beaucoup tendu. Ça fait maintenant près de 18 heures qu'on n'arrivait plus à sortir un enfant. Et c'était plus facile au départ parce que, comme toutes les 2 heures, on arrivait à en sortir. Et puis tout d'un coup, il s'est bloqué. Il s'est dit que ses enfants, c'était sa protection. Il ne voulait plus en sortir. Il n'y avait plus rien à faire. Il ne voulait plus rien entendre. On a tout essayé. J'ai été chercher l'argent. On a envoyé le procureur de la République qui a été très courageux, qui a négocié lui-même. Parce que moi, il ne voulait plus me voir. Il ne voulait plus parler. Il disait que je l'avais trahi. Et donc, le procureur a négocié. Le préfet a été formidable. Les gens du raid ont été extraordinaires. Est-ce qu'on sait qui est cet homme? Pour l'instant, ce qu'on a, je vais vous dire, c'est qu'on est heureux. Vous savez ce que c'est, être heureux? Eh bien, c'est ça. C'est voir que le ciel est bleu, que les enfants sont chez eux, et puis que nous, on peut ressortir tranquillement de cet enfer. Alors, essayons de nous souvenir, Laurent Geoffrin, quelle était la notoriété de Nicolas Sarkozy à ce moment-là? C'était pas une star absolue de la politique, mais c'était pas un inconnu non plus. Quelle place il tenait dans le casting politique? On voyait bien que c'était un jeune homme qui avait de l'ambition. C'est comme au football, c'est le gamin de 16 ans dont on se dit celui-là il sera avant-centre dans l'équipe de France. Quoi. Mmh. Et là, tout le monde, les journalistes le voyaient. Je me souviens l'avoir vu quand il était que entre guillemets maire de Neuilly. J'étais à l'Observateur à l'époque et un des journalistes m'avait dit il faut absolument connaître ce type-là. Il ira très loin, il faut le voir. Alors du coup, on l'avait invité à déjeuner au journal, avec Jean-Daniel, avec Jacques Julien, tout ça. Et alors, je ne sais plus qui, en sortant du déjeuner, qui devait être un peu snob, il dit « Oh, quand même, il a l'air d'un marchand de cravates hein. !» Mais il avait séduit tout le monde. Hein, alors que c'est pas le genre de la gauche intellectuelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Mmh. C'est pas les mêmes références culturelles. Mais il avait un tel bagou et une telle foi dans son avenir... Et puis il avait ce côté, il est chaleureux, il est drôle, il a de l'humour, il se moque de lui-même, il parle beaucoup, ça c'est son défaut. Quand on le voyait comme journaliste, on pouvait jamais en placer une, c'est-à-dire qu'on venait en... il vous expliquait tout, il vous expliquait comment il fallait diriger un journal, quel article il fallait écrire, et comment il fallait faire, etc. Et sur tous les sujets, il parle, c'est un bavard irrépressible. Mais bon, la politique, ça consiste à dire des choses à des gens, selon la formule célèbre. Donc il disait beaucoup de choses à beaucoup de gens, et il était séduisant, parce qu'il était un type intelligent. Donc, on le voyait plein d'avenir, mais est-ce que cette affaire de la prise d'otage et du rôle qu'il a tenu a été un booster réel? Oui, il y en aurait eu d'autres, c'est pas décisif. Mais ça montrait son caractère, c'est-à-dire... audacieux, courageux, assez habile et intelligent. Donc, c'est le bon côté de Sarkozy, ça. On a vu le bon côté de Sarkozy. Courageux physiquement, quand même. Hein. Encore une fois, il aurait pu se faire tuer ou sauter avec le type avait quand même tout miné. Hein. C'était très dangereux, cette affaire. Et donc, il a été infatigable encore. Il n'a pas dormi, il a négocié tout le temps, sorti les enfants... un groupe, petit groupe, après petit groupe, c'est bon, il faut le faire. Moi, je suis pas un avocat de Sarkozy, c'est moins qu'on puisse dire, mais enfin bon, il faut reconnaître que humainement, il a été bon. Quoi. Un peu comme il a été à d'autres, dans une autre dimension, au moment de la crise financière. Son activisme, son espèce d'optimisme absolu, fait qu'il s'arrête jamais et il obtient des choses. Alors, il connaît, comme tous les hommes politiques, des moments difficiles. Il en a connu vraiment deux, hein. La non-réélection, sa défaite en 2012, bien sûr. Et puis, l'affaire Balladur, voilà. C'est quand même très, très mal terminé, en 95. Ah bah, il a été ostracisé pendant des années, oui. Ostracisé, c'était dur. Mais là, on passe de l'autre côté. C'est le côté un peu sombre de Sarkozy. Il considère que la vie politique, c'est une espèce de compétition de boxe où on peut donner des coups bas. C'est même pas de la boxe, c'est du catch. Ça peut être truqué aussi. Et c'est son mauvais côté. C'est-à-dire qu'il est tellement attaché à sa propre ambition, avec un ego tellement dilaté, qu'il finit par franchir, à mon avis, la ligne rouge à plusieurs moments. La ligne rouge légale, on ne sait pas encore. Il ne faut pas non plus... Il faut respecter, comme on dit, la présomption d'innocence. Enfin, il y a beaucoup d'affaires. Et deuxièmement, la ligne rouge morale, c'est-à-dire que vis-à-vis de Chirac, qui s'est comporté de manière incroyablement... Cavalière. Duplice. Et duplice. Un peu comme Balladur. Alors Balladur, il mettait forme un peu aristocratique, mais l'autre était beaucoup plus direct. Ce petit groupe-là qui a promu Balladur, ils ont mis un coup de poignard dans le dos de ce Chirac. Alors Chirac n'est pas non plus un saint, donc on ne va pas non plus... On ne va pas prendre le deuil, mais quand même, une conception. Il avait une conception de la vie politique, d'ailleurs, qui a contribué à son succès, paradoxalement, parce que c'était années 80, années 90. Avant, dans les années 70, il y avait une sorte de surmoi moral des hommes politiques qui ne disaient pas les choses et qui tenaient toujours un discours très général, très civique, etc. Et ça apparaissait, c'est apparu à la fin des fins comme très hypocrite. Et donc lui, il disait les choses, y compris des choses qu'on ne devrait pas dire ou qu'on ne devrait même pas faire ni penser. C'est-à-dire, je crois effectivement que je ferai tout pour arriver à l'Élysée et puis personne ne m'empêchera. Ça paraissait un discours neuf à l'époque, bizarrement, parce qu'on avait vécu une décennie très moralisatrice. Bien, merci Laurent Geoffrin, notre partenaire directeur du journal Libération. À bientôt, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la conquête de Neuilly par Nicolas Sarkozy, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.